salut et merci beaucoup pour toute cette été avec Blockbuster. Give me Blockbuster toute l'année. C'est vraiment trop bien, ça ne peut pas s'arrêter. Passer du rock zombie sur France Inter. Alors là, je dis respect. Quand vient la fin de l'été sur France Inter, Blockbuster, il le faut nous laisser. Heureusement, il y a les podcasts toute l'année. Ouais, salut Fred. Bah écoute, je voulais te remercier pour cet été, parce que grâce à toi, je me sens un peu moins bête. Ou plutôt, pour une fois, je me sens cultivé, en fait. Parce que certes, j'ai jamais vu Audiard, mais je connais Alien par cœur. J'ai grandi avec Akira, et si je suis devenu infirmier, c'est un peu grâce à Urgence. Donc bref, merci d'avoir pris le temps d'expliquer à ma copine que je suis quelqu'un de cultivé. Salut Blockbuster, c'était pour vous dire que j'ai passé un été magique avec vous. C'était un peu comme un amour de vacances. Enfin, putain, c'est la fin, merde. Voilà où ça mène les jeux vidéo violents et les films d'horreur. À glisser des blagues potages à l'attention des geeks dans l'assistance, ou pire, à animer des émissions de radio l'été pour ces mêmes geeks avec les sous du contribuable. En tout cas, merci à toute l'équipe pour tous les sujets abordés. Ça me donne envie de lire, relire, voir, revoir, écouter et jouer à un paquet d'œuvres géniales pour tenir le coup jusqu'à l'été prochain. Alors d'ici là, rappelez-vous, ne jamais croiser les effluves et ne nourrissez pas des doigts après-midi. Sigris, la culture geek existe. Cherche Blockbuster partout. Va, écoute l'émission magique. Moi, j'ai passé tout mon été à enfermé dans mon sous-sol à faire des travaux. Donc, grâce à vous, j'ai pu m'évader un petit peu. Avec des sujets comme Resident Evil, Céline Dion, Whitney Houston, Ghostbusters. Et ben, mon petit cœur de gay geek était ravi. Il est temps que ça se termine. Vraiment. Plus d'un mois que je me prends la tête pour savoir d'où vient la réplique. Jusqu'ici, ça va du générique. Et je trouve enfin la dernière semaine. Les sept mercenaires, bien sûr, mythiques. To be or not to be, not to be. Eh bien, ça y est, c'est la dernière de la saison. Je suis dans le même état que Tom Holland, l'interprète de Spider-Man, quand il a appris il y a 3 jours qu'il ne rejouerait sûrement jamais plus avec ses Avengers parce que Sony et Disney sont fâchés. Je me retourne sur l'été que je viens de passer et je contemple 40 émissions derrière nous, ce qui en 3 ans fait quand même 80 blockbusters traités. Quand j'y pense, ça donne le vertige. À chaque fois que je choisissais de passer une chanson de Rob Zombie, d'Iron Maiden ou le générique de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac en japonais à 11h du matin, je m'attendais toujours à voir un agent de la sécurité surgir dans le studio pour m'attraper et me jeter hors de la maison de la radio comme Jazz dans Le Prince de Bel-Air. Et pourtant non, on m'a laissé faire. Mieux ! Je croise désormais dans les couloirs des animateurs que j'admire, parce que, ne vous y trompez pas, je suis un auditeur bien avant d'être un présentateur, qui me disent « Ah tiens, j'ai adoré ton émission sur Abba. Et tu sais quoi, Dracula, j'ai même appris des trucs !» J'ai reçu des lettres manuscrites d'auditeurs et d'auditrices qui m'ont dit « Je n'aime pas les jeux vidéo, je n'aime pas les blockbusters ou les séries, mais j'aime bien votre émission. » Sur notre page Facebook, on a reçu des témoignages de parents qui me disent que pour la première fois, leurs ados sont venus écouter la radio avec eux. J'ai reçu des vidéos d'enfants sur l'autoroute des vacances qui chantaient le générique de Blockbuster. Durant 2 mois autour de cette table, j'ai vu défiler des universitaires, des journalistes, des blogueurs, des passionnés de tout âge et de tout sexe, tous aussi brillants les uns que les autres, qui ont été passionnants. Et je pense qu'ils l'ont été, non pas parce qu'ils avaient quelque chose à vendre, mais parce qu'ils avaient tout simplement quelque chose à partager. Et je crois que c'est vraiment ça ce qui me plaît le plus dans la pop culture, c'est que certes, elle ne plaît pas à tout le monde, mais elle plaît quand même à beaucoup de monde. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Je m'appelle Marie-Alice Yang. En lisant le journal ce matin, vous êtes peut-être tombé sur l'article qui décrit la journée hors du commun que j'ai vécue la semaine dernière. Habituellement, il ne se passe rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais tout a changé jeudi dernier. Pour commencer, tout semblait parfaitement normal. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille, effectué quelques tâches ménagères, achevé mes projets en cours et fait mes courses. En fait, la journée s'est déroulée comme une journée ordinaire. J'ai passé mon temps à astiquer mon petit quotidien jusqu'à lui donner une brillance parfaite. Voilà pourquoi il est si incompréhensible que je me sois dirigée ensuite vers le placard de l'entrée pour m'emparer d'un revolver qui n'avait jamais servi. En 2005, les spectateurs français découvrent la série Desperate Housewives, créée par Marc Cherry et qui est diffusée sur Canal+. L'histoire présente quatre femmes, Suzanne Meyer, Lynette Scavo, Brin Van de Kemp et Gabrielle Solis. Toutes vivent à Wisteria Lane, une banlieue chic et fictive des États-Unis, où les pelouses sont entretenues et les haies taillées impeccablement. Une de leurs amies, Marie Alice Young, se donne la mort dès le premier épisode pour des raisons qui nous échappent, et devient une narratrice omnisciente qui va nous faire découvrir que ces façades proprettes des pavillons de banlieue cachent souvent des mystères et des secrets peu glorieux. Pour revenir sur cette relecture du soap-opéra trempé dans l'humour noir et la satire sociale, j'ai avec moi Françoise Cadol, bonjour. Bonjour. Vous êtes la comédienne et voix française de Marie Alice Young, la narratrice de Desperate Housewives. Tout à fait. Avec nous également Myriam Megaïzerou, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique cinéma et série pour le site Culture au Point. Absolument, oui. Avec nous également Anne Demoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste critique série pour 20 minutes. Tout à fait. Et enfin, mon collègue, ami, mentor, Ali Rebehi. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je suis ravi d'être là parce que j'aurais pu appeler le répondeur hein, parce que votre émission est géniale. Je me suis vraiment régalé tout au long de l'été. Vous m'avez accompagné dans mes runnings, dans mes randonnées. Dans... Vraiment, bravo. Comment vous avez placé le fait que vous étiez sportif de manière très discrète? C'est incroyable. Producteur de l'émission Grand Bien Vous Fasse ici à France Inter. Ensemble, on va revenir sur la genèse de cette série, comment son créateur Marc Cherry a réussi à créer une sorte de soap-opéra branché et corrosif. On reviendra sur cette galerie de personnages féminins hyper charismatiques, sur les clés du succès de cette série. On tentera de comprendre comment, au fur et à mesure, elle a réussi à fédérer jeunes et moins jeunes, hommes et femmes. Desperate Housewives était-elle une série féministe ou conservatrice? Autant de questions auxquelles on va s'empresser de répondre dans cette ultime émission de Blockbuster. Pourquoi on n'a pas de la soupe normale? Daniel, il n'y a rien d'anormal dans la soupe de basilic moulinée. On pourrait un jour avoir de la soupe que tout le monde connaît, genre soupe à l'oignon ou au poireau. Premièrement, ton père n'a pas le droit à l'oignon, il y est mortellement allergique. Quant au poireau, je ne relèverai même pas ta suggestion. Tiens, comment trouvez-vous l'osso buco? Pas mal. Pas mal? Andrew, j'ai passé 3 heures à cuisiner ce plat. Tu te rends compte de ce que ça me fait d'entendre « c'est pas mal » sur ce ton désinvolte? Qui t'a demandé de passer 3 heures à cuisiner? Je te demande pardon? La mère de Tim Harper, elle rentre du boulot, elle ouvre une boîte de porc aux haricots et boum, il mange et personne se plaint. Tu veux que je serve du porc en boîte? Présente tes excuses, je t'en supplie. T'es pas obligé de servir de la grande cuisine. Tu peux nous servir de la bouffe. Tu prends de la drogue. Quoi? Le changement de comportement est un des premiers signes. Tu es devenu infernal, abject depuis quelques mois. Voilà qui expliquerait pourquoi tu t'enfermes dans la salle de bain. Ah non, maman, dans la salle de bain, il fait autre chose. La ferme. Maman, c'est pas moi qui ai un problème. C'est toi, on dirait que tu veux décrocher le titre de la meilleure ménagère du pays. Rex, j'aimerais que tu dises quelque chose. Enfin, tu es tout de même le chef de famille. Passe-moi le sel. On vient d'entendre un extrait de Desperate Housewives, un extrait dans lequel on voit la famille de Brie Van de Kemp, jouée par Marcia Cross et doublée en français par Blanche Ravalek. Alors, Anne de Moulin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Desperate Housewives? Alors, Desperate Housewives, c'est une série qui va montrer ce qui se cache derrière les sourires, en fait, des femmes au foyer modèles des banlieues chics américaines. C'est une série qui a beaucoup parler aux femmes, en fait, je pense que et je me tourne vers les autres femmes autour de moi, je pense qu'on s'est toutes identifiées à l'une ou l'autre de ces femmes au foyer, puisque chacune avait voilà des caractéristiques bien particulières. C'est une série en fait qui arrive à un moment donné où Marc Cherry, il est un petit peu has-been sur le marché d'Hollywood. Il a fait quelques années auparavant une série qui a connu du succès, c'est Les Craquantes, Carré de Dames, Golden Girls en anglais. Cette série a cartonné et là aussi il mettait en scène voilà des quinquagénaires un petit peu piquantes. Et en fait, il est chez sa mère, il voit un reportage sur le procès de André à Yeltsin. C'était un fait divers assez atroce. Une femme, voilà, avait tué, avait noyé 5 de ses enfants. Il tourne vers sa mère en disant, mais c'est impossible qu'une femme puisse tuer ses 5 enfants. Et sa mère lui répond, si, moi je comprends parfaitement qu'on puisse péter les plombs comme ça. Et en fait, voilà d'où est née l'idée de Desperate Housewives. Et bon, il va faire le tour des chaînes HBO, la Fox, CBS, NBC, pardon. Tout le monde refuse, hein, et finalement ABC décide de l'ajouter à ses programmes de fin d'année. Et un petit peu à la manière de Blockbuster, voilà, qui est l'été et dont on espère qu'elle se poursuive tout au long de l'année. Et bien la série qui au départ était juste, voilà, un petit truc de fin d'année, va devenir voilà une série de 8 saisons et 180 épisodes. Françoise Cadol, oui. Comment avez-vous découvert cette série? Est-ce qu'on vous a d'abord montré les épisodes avant de vous proposer de la doubler en français? Alors, de mémoire, j'ai passé des essais sur le personnage de Brenda Strong, Marie-Alice. Et de mémoire, on ne nous a rien montré. Donc vous avez découvert, comme les spectateurs, au fur et à mesure... Alors, pour les essais... On a vu des images et on a passé des essais, et après, une fois qu'on a été choisi, ben on a découvert les épisodes les uns après les autres et on les a tous doublés, voilà. Et est-ce que en doublant ces épisodes, vous vous êtes tout de suite dit, ah tiens, on est face à une série qui va véritablement cartonner? Dès le premier épisode, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée géniale, Marie-Alice se suicide au premier épisode, où est-ce qu'on a vu ça? C'était nouveau. Et oui, bien sûr, on s'en est rendu compte. Puis il y a un ton, il y a un rythme, il y a des, comme Anne disait, il y a des secrets partout, il y a des non-dits. Marie-Alice, aussi par sa voix off, au début, à la fin, à certains moments, à l'intérieur des épisodes, rend les pensées de ces femmes-là visibles. Elle en parle, elle le dit, et on voit des sourires, mais elle dit le contraire. C'est très très intéressant. Et cette voix off qui accompagne absolument toute la narration de l'épisode crée aussi un aspect presque surréaliste, type fantastique. Oui, complètement, je suis d'accord. Oui. On est dans une dimension de conte moderne. C'est ça, il était une fois, mais c'est la catastrophe. Ali Rebeyi, vous avez découvert Desperate Housewives comment? En 2005 sur Canal+, j'ai tout de suite été accroché évidemment par le tout premier épisode, et c'était un rituel, c'est-à-dire que ça passait le jeudi soir sur Canal et fallait pas m'emmerder, fallait pas m'inviter, voilà, c'était un moment ritualisé. Et ce que j'aime en fait dans Desperate, c'est que avant cette mode du binge watching où on regarde des séries, qu'est-ce que le binge watching? Le binge watching, c'est quand on regarde des séries à la chaîne, quoi, sur sa tablette, sur une plateforme type Netflix, c'est qu'il y avait ce rendez-vous du jeudi soir que j'attendais avec beaucoup d'impatience, et ça, je trouve ça extraordinaire, et ça me rappelait un petit peu les souvenirs d'enfance, quand en famille on regardait un soap comme Dynasty ou comme Dallas, et c'était un rendez-vous hebdomadaire, et c'est ce que j'ai tout de suite adoré dans Desperate. Mais j'aimerais flatter juste une petite minute Françoise, parce que Desperate, c'est l'une des rares séries que j'aime regarder en version originale, comme Columbo. Je trouve que les voix sont absolument extraordinaires, très marquantes, les voix de Lynette, de Marie-Alice, de Gabi, etc. Donc vraiment, c'est une, pour moi, une réussite, ce doublage. On va continuer de parler de Desperate Housewives, mais là, pour cette dernière, j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui ont soutenu cette émission en laissant un message sur les répondeurs, en partageant les podcasts de l'émission, vraiment, respect. Et pour ça, on va écouter Aretha Franklin avec, évidemment, Respect. C'était Aretha Franklin dans Blockbuster sur France Inter. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un peu délicat et je m'excuse d'avance de l'incongruité de ma question, mais est-ce que, par hasard, c'est toi qui as mis le feu à ma maison ? Oui. Quoi ? Oui, c'est moi qui ai mis le feu à ta maison, sale petite grue. Et dis-moi, enfin, pourquoi est-ce que t'as fait ça ? Tu oserais me le reprocher après m'avoir envoyé cette lettre assassine ? Quelle lettre ? Oh, enfin, celle où tu m'as avoué très clairement m'avoir poignardée dans le dos en couchant avec Carl. T'étais pas censée la recevoir, non ? Je l'ai reprise au facteur pendant sa tournée. Alors tu voulais me cacher la vérité, tout simplement ? Non, c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. L'important ici, c'est que tu as volontairement mis le feu à ma maison, Eddie. Bon, je l'admets, j'ai peut-être été un peu excessive sur ce coup. Sans rire, je te signale que j'ai plus de toit au-dessus de ma tête. Tu crois que tu peux mettre le feu à la maison des autres comme et ça ? Pourquoi pas ? Tu as brûlé la mienne, tu m'as piqué Mike, tu as couché avec mon fiancé. Tu as même de la chance que j'ai pas incendié ta voiture. Ça suffit. Je vais aller voir la police, je vais leur dire ce que t'as fait. J'ai rien fait du tout. Quoi ? Tu viens de l'avouer ! Moi, non. Quelqu'un d'autre a-t-il entendu mes aveux ? Pas de témoin, Suzanne. Pas de preuve, pas d'aveux. Il me semble qu'on a fait le tour, tu peux rentrer chez toi maintenant. Oh, mais non, c'est vrai. Tu n'as plus de chez toi. C'était un extrait opposant Suzanne Meyer, interprétée par Terry Hatcher, et doublée en français par Claire Guyot, qui a également doublé Buffy Summers, la fameuse Buffy, c'est la dernière, j'étais obligé de parler de Buffy contre les vampires, et également Eddie Bridge, joué par Nicolette Sheridan, doublé en français par Marie-Martine Bisson. Anne Desboulins, Desperate Housewives est apparu sur la chaîne ABC aux États-Unis. C'est une chaîne généraliste, l'équivalent de France 2, TF1, enfin non, quoi, TF1 c'est privé, de France 2 chez nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chaîne ? Parce que du coup, ça a créé une série avec une vision très spécifique. Oui, alors cette chaîne fait partie donc des Big Four, des quatre grands réseaux américains. Alors c'est une chaîne privée. En effet, il y a le groupe Disney qui est derrière. Et alors ils sont très partagés parce qu'ils ont à la fois besoin d'un programme voilà qui attire le plus grand nombre et en même temps ils se rendent bien compte que de l'autre côté, c'est-à-dire sur les chaînes câblées type HBO, il y a des séries comme Les Sopranos, comme Sex and the City qui font beaucoup parler d'elles et ils ont aussi envie un petit peu voilà de s'encanailler entre guillemets avec des programmes un peu plus audacieux et c'est comme ça qu'ils vont donner sa chance à Marc Chéry. Myriam Megaizero, au niveau des audiences et du succès de Desperate Housewives, ça a cartonné immédiatement. Ça a cartonné immédiatement avec 20 millions de téléspectateurs lors de la saison 1. Et ensuite, ça a été un peu en nombre décroissant. Quoi. Elle est passée à 17 millions de téléspectateurs. Ça reste très correct. Hein. Voilà, mais juste pour la saison 2, mais à 14 millions pour la saison 5. Alors, c'était une série qui était diffusée en prime time, le dimanche soir. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une audience très, très forte. Et surtout, c'est une série dont on sait qu'elle vient, que c'est la deuxième émission préférée des hommes, mais pas que des femmes, hein, des hommes, qui, après Monday Night Football. Alors ces informations, je les dois à Virginie Marcucci dans son livre Desperate Housewives, un plaisir coupable, dont je recommande la lecture, oui. Hein, qui est sortie en 2012 au PUF, et qui nous informe vraiment sur le caractère les téléspectateurs, la cible que touche Desperate Housewives. Alors c'est une cible blanche surtout, ce sont des téléspectateurs blancs pour 83% d'entre eux. Ils ont plus de 35 ans. Attention, c'est la grande majorité a plus de 35 ans. Plus de 60% des téléspectateurs sont... Donc c'est un phénomène d'identification. Hein. Et 62% des téléspectateurs sont des téléspectatrices. Donc ça montre que ça joue sur un caractère identificatoire. Surtout que ça a été propulsé par une phrase de Laura Bush qui se disait que... La femme Laura Bush. Exactement. Qu'elle se reconnaissait dans ces histoires-là, dans ces femmes-là. C'est un peu comme le phénomène Bridget Jones où tout le monde s'identifie. Elle a elle-même dit qu'elle était une Desperate Housewife. Voilà, donc il y a c'est à la fois une façon de conserver une certaine respectabilité, puisque la série joue sur ce ressort-là de la bienséance et des convenances, et en même temps de dire à tout le monde que nous partageons tous des secrets inavouable, donc une espèce de communauté de destin dans le milieu de la respectabilité blanche. Et Françoise Cadol, c'est surtout aussi une des premières séries et sur la durée la plus longue qui a permis à un casting féminin d'exister et d'avoir oui. le devant de la scène. Même au niveau du doublage, vous avez dû ressentir... Ah oui, tout à fait. On était nombreuses. Sur le plateau, oui, ça a été formidable. Une superbe équipe. Ah oui. Beaucoup de femmes. Mais c'est bien, c'est vrai que c'est quelque chose qui souvent, s'il y a, une femme, c'est un intérêt sentimental pour un homme. Là, il y a effectivement des hommes dans Desperate Housewives, mais souvent ils sont un petit peu dépossédés du moteur de l'intrigue. Ouais. Lynette Scalvo et son mari Tom, on est le parfait exemple. Même Mike Delfino, c'est presque une sorte de petit bonbon pour Suzanne, mais c'est pas lui qui fait avancer l'intrigue. Oui, tout à fait, ce sont les femmes. C'est les femmes. Ah oui. Ali Rebbi. Je ne suis pas une femme. Je preuve du contraire. Voilà. Moi, je pensais avoir un plateau intégralement féminin. Et il m'annonce ça comme ça. Je ne suis pas blanc. Je ne suis pas blanc. Et pourtant, cette série me passionne. Je m'identifie à tous ces archétypes parce que ce sont des archétypes Brie, Suzanne, Gabrielle. Et je pense qu'on y met ce qu'on veut dans ces archétypes. Et donc, moi, ça résonne en moi, c'est-à-dire que les traits de caractère de chacune de ces femmes désespérées me parlent. Et je pense que c'est une série, enfin, quand on la regarde peut-être du point de vue français, qui transcende les questions de genre, d'ethnie, de classe sociale. Je pense que c'est peut-être le téléspectateur français qui regarde Desperate, c'est peut-être un peu moins figé qu'aux États-Unis. En tout cas, moi, je m'identifie vraiment, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, à chacune, en tout cas en particulier à une, des femmes désespérées. On va en parler. Je suis entouré par des experts, mais le sont-ils vraiment ? Vous l'avez deviné, c'est le moment du détecteur de mensonges. Je vais vous poser des questions extrêmement pointues concernant Desperate Housewives. Saurez-vous y répondre ? Eddie a brûlé la maison de Suzanne. Carlos part en prison pour détournement de fonds. Orson Hodge a renversé Mike Delfino avec sa voiture. Est-ce que Wisteria Lane ne devrait pas être placé en zone d'éducation prioritaire ? Périmètre Zévezo. Non, parce que c'est une banlieue chaude quand même. C'est terrible ce qui se passe. Ouais. J'ai connu des quartiers vraiment dits malfamés, beaucoup plus sûrs que Wisteria Lane. Hein. Question suivante. Pourquoi dit-on d'une femme qui enchaîne les tâches ménagères et va chercher ses enfants à l'école qu'elle est une femme au foyer, alors qu'un homme qui fait la même chose, on appelle ça un progressiste ? J'aimerais avoir une réponse. Elles enchaînent les tâches ménagères, c'est ça ? C'est-à-dire une femme qui fait le ménage chez elle, qui s'occupe de on dirait c'est une femme au foyer et moi quand je fais la même chose, les gens me disent c'est bien vraiment quel homme moderne. Donc j'aimerais comprendre c'est quoi cette différence. Bon, dernière question. Dans Desperate Housewives, Mike Delfino fait souvent du bricolage torse nu. Le jardinier des Solis tond souvent la pelouse torse nu. Austin, le neveu d'Eddie, adore nettoyer sa moto torse nu. J'aurais voulu savoir pourquoi les travaux manuels provoquent des allergies au t-shirt. Vous avez gardé le vôtre d'ailleurs. Mais parce que je bricole pas. Mais les femmes aussi sont souvent nues. Enfin, je parle de dos. Non, il y a Suzanne par exemple qui. C'est vrai. Il y a dans la première saison. Il y a un petit buisson. Oui. Gabrielle, elle est un peu dénudée. Allez, on marque une pause musicale avec Angèle et Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler de faire en Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Palais de fer. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Palais de fer. Moi je serai poli. C'était Angèle avec Balance ton quoi. Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter. Chérie, regarde ce que je me suis acheté pour l'université. Des stylos, des cahiers et oh, un dictionnaire de mandarin, outil essentiel, parce qu'on a toujours besoin d'un gong gong chichou. Oh, et puis j'ai des marqueurs. Ils sont géants, tu trouves pas? Tu veux sentir le raisin? Ils sont parfumés. Quoi? Une odeur sucrée. Je suis allée voir le docteur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Pardon? T'es... enceinte d'un bébé? Depuis combien de temps tu sniffes ces feutres? Bien sûr, enceinte d'un bébé. Mais enfin, chérie, tu peux pas, voyons. C'est... On ne peut pas, nous, on est vieux. Pas assez vieux, apparemment. Comment je fais pour mes études? Et moi, comment je fais pour mon boulot? On va avoir un autre bébé. Chérie, c'est pas exactement ça. Dis-moi que tu t'apprêtes à faire le serment des scouts. Non, Tom. On va avoir des jumeaux. Encore. C'était un extrait de Lynette Scalvo, Felicity Huffman interprète, et doublé en français par Caroline Beaune, et également Tom Scavo, joué par Doug Savant, et en français Emmanuel Curtil. Donc il y a des archétypes très très forts dans Desperate Housewife, Lynette, Gabrielle. J'ai envie de vous poser la question, quel est votre Desperate Housewife? Allez, l'abbaye. Pour ma part, ce serait plutôt Brie, il y a un côté Brie. J'ai fait l'expérience tout à l'heure dans le bureau de Suzette Villers qui m'a dit « Mais non, mais toi, t'es Brie. » Forcément, et puis dans mon bureau, je suis assez d'accord. Dans mon équipe, dans mon équipe, c'est pareil. Non, il faut décrire Brie. Brie qui est assez rigide, enfin, je suis pas rigide, enfin, qui est quand même très ordonnée, très maniaque, qui aime une certaine forme de domesticité, qui est conservatrice. Moi, je suis pas forcément conservateur, mais enfin, disons que c'est le personnage qui me parle le plus. C'est parce que c'est le personnage qui évolue, à mon avis, le plus admirablement dans cette série. C'est vrai qu'au début, elle est, on sent qu'elle a voté Bush, qu'elle est ultra rigide. Et on le voit dans sa coiffure. Vous voyez, sa coiffure qui ressemble à la coiffure qu'on pourrait retrouver dans Ma sorcière bien-aimée, coiffure des femmes au foyer des années 50. Et puis au fur et à mesure des saisons, cette coiffure est de plus en plus un peu, enfin, désordonnée. Et puis, moi, j'ai vraiment une affection très forte pour Brie. Et puis également, peut-être aussi pour Lynette Scavo, la mère de famille tenace. Voilà. Françoise Cadol. Ah, moi, c'est un petit peu les quatre. Hein. Un petit peu des quatre, et aussi un peu de Marie-Alice. Et puis, il y a un ton, qui est donné des femmes dans cette série qui est formidable. Donc, il y a plein de petites choses à prendre, et je me sens touchée en tant que femme par plein de moments, plein d'endroits, et plein de, enfin, les quatre, oui, bien sûr. Anne Desmoulins. Alors moi, j'ai un penchant pour Brie, parce que voilà, cette elle est complètement psychorigide au début de la série, et puis elle va devenir peut-être un des personnages les plus dévergondés, les plus dingues. Elle est confrontée à des choses déjà en première saison. Enfin, l'histoire qu'elle a avec Rex, qui a besoin d'être dominé sexuellement, c'est quand même son mari. Hein. Oui, qui est son mari. C'est quand même juste fou qu'il lui arrive ça dans sa vie, quoi. Myriam ? Moi, c'est comme Françoise, c'est un peu des quatre personnages, et même Dédie. En fait, c'est le... Ellie Britt, oui. Parce que la grande force de cette série, c'est son humour. Et par l'humour, on peut s'identifier à chacun de ces personnages. Les saillies de chaque personnage vont nous les rendre attachants et faire ressortir les traits identificatoires qu'on aime prélever, quoi, pour... Voilà. Et puis, elles ont aussi un monde intérieur. Donc, développant chacune un discours, que ce soit par la voix de Marie-Alice, la voix omnisciente, ou bien par leurs propos, elles permettent, et c'est la grande force de Marc Chéry, hein, c'est d'avoir créé des phénomènes suffisamment généralisants, des personnages suffisamment généraux, et en même temps de leur donner une individualité. Et c'est ça la force du type, du stéréotype ou de l'archétype, c'est qu'il est assez, dans sa codification, il conserve une plasticité où chacun peut prélever, et voilà. Donc j'ai... Desperate Housewives a été un gros nouveau dans le paysage des séries télévisées, mais ce style, ces thèmes, eh bien, il y en a, ils n'aiment pas. J'aime pas. Elles sont femmes au foyer, toutes taille mannequin, super grande, super mince. Il y en a une qui a eu 4 enfants, on a l'impression qu'elle n'en a jamais eu. Enfin, ça se veut réaliste et en même temps, il y a le côté quand même fiction. Qui prend aussi le dessus, quoi. Enfin, moi, ça me paraît pas très nouveau, parce que c'est vrai que c'est l'ambiance d'Edouard Romain d'Argent et tout ça, et c'est ces petites banlieues, là, c'est des... American Beauty, c'est 10 fois plus fort là-dessus, quoi. Quand on connaît bien le cinéma américain ou les séries, on voit bien qu'il a un peu piqué partout. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça rasoir, mais comme toutes les séries, je sais très bien que si je regarde encore 2 épisodes, j'aurai envie de regarder tous les autres. Voilà, c'est ça. C'est très étrange, j'ai presque envie de dire que c'est une série qui est déjà démodée par les séries plus anciennes, c'est assez étrange. Dans Six Feet Under, ça commence par une mort, et une mort d'un personnage principal qui après va apparaître tout le temps, et sa femme, c'est une sorte de pure femme au foyer qui s'emmerde et qui est complètement dépressive et névrotique, et qui est plutôt plus originale que les 4 qu'on a vues là, je trouve. J'aime pas. Alors, est-ce que Desperate Housewives est une sorte de patchwork, de rassemblement d'autres univers et d'autres films? Parce que c'est vrai que quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui nous parlent. Il y a un petit peu le côté banlieue pavillonnaire, on a vu ça dans American Beauty, ou effectivement Edouard Romain d'Argent. Il y a également aussi Joseph Mankiewicz avec la chaîne conjugale, le film qui a été largement source des scénarios de Marc Chéry. Anne de Moulin. Marc Chéry se définit comme un voleur lui-même. Il dit voilà, j'ai piqué Wisteria Lane, ça vient d'Edouard Romain d'Argent. Il l'assume complètement. C'est pas par hasard qu'il prend Danny Elfman d'ailleurs pour faire la musique du générique de Desperate. Il estime aussi avoir piqué toutes les bonnes idées d'Alan Ball, donc le scénariste d'American Beauty et le créateur de Six Feet Under. Et il considère également Sex and the City comme une de ses inspirations. Et de toute façon, même au générique, on voit avec cette succession de peintures, ça part d'Adam et Ève et ça va jusqu'à Andy Warhol. On est un peu un Liechtenstein. Liechtenstein. Et évidemment, l'American Gothic aussi de Wood. C'est un patchwork et c'est assumé dès le générique, quoi. C'est proclamé, quoi. Il est content d'avoir volé et mixé. Il y a aussi des références littéraires. Je pense que Marc Chéry a dû lire un grand auteur de nouvelles, un grand romancier américain qui s'appelle John Cheever. Un grand roman de John Cheever, ce sont Les Lumières de Bullet Park. On sent qu'il a lu ces romans de John Cheever qui mettent en scène l'enfer climatisé de la banlieue américaine. Et je reprendrai une phrase de Virginie Marcucci, qui a écrit un ouvrage sur Desperate, il y a quelque chose de pourri au royaume du muffin, et on retrouve ça dans les livres et dans les nouvelles de John Cheever. Donc effectivement, oui, Marc Chéry a puisé à différentes sources, mais c'est pour notre plus grand bonheur. Moi, je trouve ça assez extraordinaire d'avoir cette intelligence de tricoter ce patchwork où on ne voit pas les coutures. Et Françoise Cadol, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui a été dit dans la séquence qu'on vient d'entendre, sur le physique de ces femmes, toutes très très belles, toutes apprêtées, et qui du coup crée une sorte de césure avec l'idée qu'on se fait de la femme au foyer. Oui, j'ai entendu bien sûr, mais à côté de ça, alors ça remonte un petit peu au niveau des images, mais je me souviens de Linette, qui à des moments, elle n'est pas plus apprêtée que ça, c'est une femme entre guillemets normale. Gabrielle aussi. Après c'est le ton de la série, je pense que dans ce genre de situation c'est le public qui a raison. Ça a tellement plu que fatalement les gens se sont projetés dans l'une dans l'autre et donc c'est gagnant, c'est bien. C'est formidable. Et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais la majorité... Nous sommes bien d'accord. Mais on peut entendre quand même ces objections du public sur le féminin ou sur le caractère féministe de la série. Parce que c'est vrai que ces femmes, elles sont quand même très belles et très apprêtées, même si parfois elles se laissent aller. Et en même temps, est-ce que le féminisme doit obligatoirement... Le propos de la série. Je pense que c'est plus une série sur le féminin et ses différentes facettes qu'une série féministe. Et je crois qu'il y a une fascination de Marc Chéry pour les femmes, notamment pour la noirceur de leur caractère, parce qu'il explique très bien que pour lui, il y avait quelque chose, dans sa vision, quelque chose d'essentialiste. Il associait la femme à une espèce de douceur, et puis en découvrant le fait divers dont on a parlé, il a voulu représenter ces différentes facettes noires, caustiques. Mais moi, j'entends très bien, cela dit, les objections du public, parce que c'est une série quand même, il faut le rappeler, qui repose sur des procédés qui sont toujours les mêmes. Le cliffhanger à la fin, enfin, tout est quand même très, très attendu. Une fois qu'on a vu la première saison, on sait ce... Après, c'est toujours, il y a un secret. C'est le plaisir de retrouver une recette qu'on connaît. Voilà, c'est un plaisir de reconnaissance sur des ressorts, mais ultra connus. Et Marc Chéry, je pense que sa grande force, c'est l'humour, vraiment. S'il y a un trait qu'on doit... Ben justement. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, salut. Vous avez pas dû voir le panneau bleu, c'est réservé aux handicapés ici. Je sais, les places pile devant l'entrée. Oh, mais j'ai cette vignette là. Ouais, j'ai remarqué. Vous avez pas l'air très handicapé. C'est pas moi l'handicapé, c'est mon mari, il est aveugle. C'est pour lui la vignette dans ce cas. Y'a que lui qui peut se garer là. Oui, et comment il peut se garer s'il voit rien? J'en connais un qui se trouve bête tout d'un coup, hein? Quel culot, c'est incroyable. J'ai dû me garer à côté de la benne à ordures là-bas. Oh, arrêtez de vous poser en victime devant moi. J'ai dû marcher avec des talons aiguilles toute la journée. Vous vous êtes assis et roule ma poule. Attendez, vous avez osé dire ça? Que je vous explique. Plus vite je fais mes courses et plus vite je rentre m'occuper de mon mari qui a besoin de moi. Et oui, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? J'appelle les flics pour qu'ils vous alignent. C'est ça, ouais. Donnez-moi ce portable. Arrêtez! Mais c'est vous qui avez commencé. Donnez-moi Lâchez-moi. Ça. Donnez-moi ça. Oh, y a un problème? Je le crois pas. Il y a un téléthon ici ou quoi? Elle a pris une de nos places de parking. Pétasse. Du coup, j'ai dû aller me garer dans la rue, moi. Il y a un agent de sécurité là-bas. Allez le chercher. Non. Attendez. Alors là, ça devient ridicule, cette histoire. Oh, non. Vous irez nulle part. Lâchez-moi! Arrêtez, mais non. Qu'est-ce que vous faites? Non! Là, c'est officiel. Je finirai en enfer. Une séquence où on voit Gabrielle Solis, interprétée par Eva Longoria, en train de se battre avec un handicapé. Donc effectivement, on voit via cet extrait que la cruauté est souvent de rigueur dans Desperate Housewives. Et au niveau du ton, on est même, en les revoyant, je me suis même dit, à certains moments, on est proche des Simpsons dans cette peinture assez caustique et corrosive de la société américaine. Anne Desmoulins ? Oui, tout à fait. En fait, Marc Chéry, il aime jouer sur l'ambiguïté. Alors, dans les interviews, il se définit comme un gay républicain, ce qui est assez antinomique comme approche. Et ça montre, voilà, ce qu'il a essayé d'insuffler dans la série, c'est, il souffle le chaud et le froid. On a Brie Van de Kamp qui, lorsqu'elle apprend l'homosexualité de son fils, est complètement dans le rejet complet. Et en même temps, il y a une saison où on voit que les nouveaux voisins, c'est un couple de gays particulier qui adopte qui a adopté des enfants. Donc on est vraiment voilà dans le chaud, le froid, et pareil, à la fois il utilise voilà des femmes très très belles, Terry Hatcher, c'est quand même une ex James Bond girl, mais en même temps et Lois Lane. Voilà, et Lois Lane tout à fait. Et en même temps, ces femmes il prend le risque d'avoir un casting de femmes de plus de 40 ans, à l'exception d'Eva Longoria qui joue la femme trophée, à l'exception d'elle, c'est que des femmes qui ont plus de 40 ans, et pour un prime time aux États-Unis au milieu des années 2000, ben c'est assez audacieux. Donc voilà, il est en permanence voilà dans ces contradictions. Et alors là, on écoute une chanson, un petit cadeau pour Ali Reberi, une chanson de Johnny Mathis, Wonderful, Wonderful, chanson qui a marqué un événement voilà, de la série qui vous a ému. Non, mais parce que c'est la chanson qui conclut le tout dernier épisode de Desperate. La fin d'une série, c'est toujours assez tragique pour ceux qui les aiment. Hein. On se souvient tous, par exemple, pour les amateurs de Six Feet Under, la fin de Six Feet, c'est à mon avis, à mon sens, et pour beaucoup, l'une des plus grandes fins, peut-être la plus grande fin de série. Alors c'est vrai que Mark Sherry, on sent qu'il s'est inspiré quand même de cette fin de Six Feet Under, et c'est une fin extraordinaire parce qu'on voit Madame McCluskey, qui est de la voisine un peu ronchonne et qui, au fil des épisodes, on s'attache à ce personnage qui meurt d'un cancer. Et dans cette toute, enfin c'est pas vraiment la dernière scène, mais on voit Brie Van de Kamp accourir à son chevet, Madame McCluskey est en train de mourir. Au même moment, dans un montage alterné, on voit la fille de Suzanne Mayer accoucher. Il y a le mariage de René, qui est l'un des personnages qui se marie. Donc je trouve que cet entremêlement du tragique, du sensible, dans ce tout dernier épisode, avec cette chanson qui fout les poils, quoi, qui fait pleurer. Moi, il y a des séries comme ça, il y a des fins de séries, je pense que ça vous est arrivé, Frédéric, où on pleure. À la fin de Six Feet Under, on pleure. Pour ma part, à la fin de Game of Thrones, j'ai pleuré, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Mais à la fin de Desperate, on pleure parce qu'on sait qu'on ne les reverra plus. C'est tragique de, quand on s'attache sur cette saison, huit saisons, et on s'attache, on sait qu'on les reverra plus. Et je pense que la série aurait pu s'arrêter là, parce qu'après, il y a une scène où on les voit, en blanc. Plus tard. Ah, oui. On les voit quelques années plus tard. Et puis à la fin, moi, j'aime pas vraiment la toute dernière scène où on voit Suzanne Mayer accueillir une nouvelle, parce qu'elle déménage, elle quitte Fairview, et on la voit accueillir une nouvelle, Suzanne avec et puis ça finit avec elle a un coffre, il y a forcément il y a un secret, elle le met sous le placard de la cuisine. Moi je suis un peu circonspect sur cette fin. Moi je pense que ça aurait dû se terminer avec la mort de Madame McCluskey, la naissance de la fille de Suzanne Mayer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Myriam. Il y a les anges blancs, enfin ils sont tous habillés de blanc, tous les personnages sont réunis, c'est plutôt une belle fin, un peu chorale, un peu les personnages morts sont habillés en blanc. Oui, les personnages morts sont habillés en blanc, absolument. Et c'est Suzanne qui quitte Wisteria Lane en voiture au moment où elle croise le camion d'emménagement de la nouvelle occupante de sa maison. Vous avez pleuré aussi, vous? Oui, je crois que la première fois que je l'ai vue, cette femme m'avait touchée, ouais. Et on parlait du côté ambivalent de Mark Sherry. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé tout au long des saisons, c'est-à-dire à la fois progressiste sur certains thèmes, conservateur sur d'autres. Il y a notamment la problématique de l'avortement à de nombreuses reprises. Ça n'est jamais, le mot avortement n'est jamais prononcé dans la série. Et pour perdre un enfant, il faut tomber dans les escaliers. C'est quand même assez étrange de voir que on peut présenter des couples homosexuels avec des enfants en assumant une idée de modernité, et en même temps ne même pas pouvoir évoquer l'interruption de grossesse pour des personnages féminins qui sont quand même au cœur de l'intrigue. Quel est votre avis là-dessus? C'est toujours c'est cette ambiguïté qu'il veut cultiver. Et puis je pense que à cette époque, on est sur ABC, derrière il y a Disney, donc il y a probablement aussi certains thèmes qu'on peut se permettre ou pas d'aborder. La série a aussi été critiquée pour son manque de diversité. Dans la saison 2, il y a une famille noire qui s'installe. Les Applewhite. Mais il y a la famille Solis qui est quand même. René et la famille Solis, mais il y a eu quand même des critiques. Mais je pense que lui-même est assez ambivalent, quoi, comme. C'est quand même une série de classe. Hein. Mmh. C'est, attention, c'est la upper middle class, c'est pas... Et d'ailleurs, Marc Chéry l'a dit, hein, oui. Il a dit que pour lui, la ségrégation ou les différences ne se faisaient pas forcément à la couleur de peau, mais oui. Au statut social. Mmh. Oui, ce sont des gens qui ont de l'argent. Et cette question de l'avortement, effectivement, n'est jamais abordée, mais dans d'autres séries, je me souviens, dans la série Friends, c'était le cas aussi. Quand Rachel tombe enceinte, il n'est pas question d'avorter. C'est pas ça la question. La question, c'est. Mais la question se pose quand même avec la fille de Suzanne Mayer. Ah, il est question qu'elle avorte. Julie veut oui. avorter. Or, oui. peut-être que c'est pas dit explicitement. Non, c'est pas dit explicitement. Mais en tout cas, elle souhaite. Elle souhaite pas avorter. Pardon, je dis une bêtise. Elle souhaite faire adopter son enfant. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais à chaque fois, effectivement, les bébés soit ils sont perdus par accident, soit il y a toujours un événement extérieur, une tornade, qui perd le bébé. Mais ça a été fait par des forces divines. Voilà. Et je pense que cette question est beaucoup plus tabou que la mort. Oui. Enfin, la mort, elle est abordée de façon tragique, mais comique, mais pas... Alors, on va changer d'idée, parce que dans quelques instants, on va jouer avec le dernier auditeur de la saison. Mais avant cela, pour se faire plaisir, on écoute Lizzo avec Juice. C'était Lizzo avec Juice et maintenant on joue. Attention, qui que vous soyez, attention. Blockbuster. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Frédéric Sigrist. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Stéphanie au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Mais très très bien pour cette dernière de la saison. Stéphanie, quel est votre Desperate Housewives préféré? Moi, ma préférée, c'est Lynette Scavo. Et pourquoi? Expliquez-nous. J'aime bien le fait qu'elle renonce pas à sa carrière. Elle est toujours un petit peu dans cette ambivalence-là, mais elle tient bon et c'est quelque chose que voilà, j'aime bien. je suis d'accord. C'est ma désespérée de préférée aussi. Alors, vous connaissez le principe du jeu. Je vous pose trois questions en 25 secondes chrono ou plus. Si vous ne pouvez pas répondre, que vous faites erreur ou que vous avez dépassé le temps imparti, vous avez droit à un joker qui vous donne la possibilité d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon ? D'accord. C'est parti. Dans la saison 4 de Desperate Housewives, Lynette est atteinte d'un cancer. Mais qu'a-t-elle exactement ? Réponse A, un cancer du sein. Réponse B, une tumeur au cerveau. Ou réponse C, un cancer des poumons ? C'est une tumeur cérébrale. C'est tout à fait ça. Bonne réponse. Elle commencera par le cacher ses amis avant finalement de leur révéler et parviendra finalement à vaincre son cancer. Question suivante. Toujours dans la saison 4, Catherine Meffer, une ancienne habitante du quartier qui est revenue s'y installer, concurrence Brie Van de Kamp comme meilleure maîtresse de maison et cuisinière de Wisteria Lane. Brie lui jalouse une recette qu'elle va tenter de subtiliser discrètement chez elle. Laquelle ? Celle de la tarte au citron. Exactement, la tarte au citron meringuée. Eh oui, Catherine et Brie avaient toutes les deux préparé cette tarte lors d'un événement et des habitants de Wisteria Lane ont largement préféré la version de Catherine et Brie est devenue terriblement jalouse. Dernière interro. Et maintenant, je dis à l'américaine maintenant. Et maintenant, on va vous faire écouter le générique d'une toute autre série. Il faudra deviner laquelle. Cette série est également l'œuvre de Marc Cherry. Alors ? Je crois que je vais utiliser un joker. Là, ça ne me dit rien du tout. Oui, alors, qui choisissez-vous ? Je choisis Anne Desmoulins. Anne Desmoulins, très bien. Alors, on va réécouter. Hop. Et on va vous faire écouter le générique d'une toute autre série. Il faut deviner laquelle. Laquelle, Anne Desmoulins ? Devious Maid. Bonne réponse ! Bravo. Eh bien, Stéphanie, vous avez gagné le livre Desperate Housewives, un plaisir coupable de Virginie Marcucci, paru aux éditions PUF. Ah bah super. Et ben voilà. Un cadeau France Inter. Voilà. C'est un cadeau France Inter, voilà. Mais aussi, vous avez toute notre estime. Merci à vous, Stéphanie. Eh ben merci à vous. Et puis, j'ai beaucoup aimé votre émission cet été. Ça a été vraiment un plaisir à écouter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses. Françoise Cadol, Myriam Mégaïzérou, Anne Desmoulins et Ali Rebéi, merci. Cette émission touche vraiment à sa fin. Merci à vous Frédéric pour cet été vraiment formidable, je le redis franchement. Merci Ali. Je voudrais également remercier la réalisatrice de l'émission, Céline Hila. Bravo. Vraiment, bravo. Ouais, on peut l'applaudir. Merci à toi Céline, tu es le bloc dans Blockbuster. À la programmation musicale, je voudrais remercier Elsa Béranger, mais également Muriel Pérez, qui ont su rester dignes, même quand je leur ai dit que je voulais mettre du Céline Dion. Marie Mougin, Chloé Brassière, Prudence Castelot ont préparé chaque jour cette émission, et ça n'a pas toujours été facile, pas de bureau, les invités qui annulent la veille, mais vous avez assuré, merci du fond du cœur, gros coup de cœur à Aurore Mansip, notre stagiaire, qui est une véritable machine de guerre, ne change absolument rien. Merci à Hervé Evano et Christelle Rousseau à la documentation INA, sans qui la séquence troll n'aurait pas été possible. J'aimerais remercier aujourd'hui à la technique Pierre-Yves de Rolin et Tristan Garstallon, mais également toutes les équipes techniques de France Inter qui ont bossé sur cette émission cet été, parce qu'on le dit pas assez, mais sans vous, ça serait du silence. Il y a des auditeurs qui disent ce serait peut-être mieux. N'empêche que merci à vous. Je rappelle, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, même s'il n'y a plus d'émission, si vous voulez être tenu au courant de l'avenir de Blockbuster, car je vous l'annonce, il y aura un avenir à cette émission. Oui. Mais chut, ne divulgâchons pas tout. Il y a la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. J'aime que l'on me domine. Hein ? Pitié, maîtresse, non. Silence, esclave. Oui, maîtresse, oui. Tourne la tête, regarde-moi. Ah, oui, ah, oui. La cravache dans la bouche. Oui, maîtresse. Alors ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que ta mère a bien pu te faire ? Et lundi, vous retrouverez toute l'équipe de la bande originale de Nagui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans cette même émission de la bande originale tous les vendredis à 12h20 pour ma chronique hebdo. Et vous savez quoi ? Il y a de grandes chances que ça parle aussi de pop culture. Et après le journal, on retrouve Nadia Dame pour le débat de midi. Bonjour Nadia. Salut Frédéric. Alors, de quoi vous allez nous parler ? On va parler de mode, de sape, de fringues et de ses conséquences sur l'environnement et sur les droits des travailleurs. On va faire le tri dans nos placards et dans les marques de vêtements. Exactement. On va se débarrasser de ces vêtements comme Marie Kondo ? Oui, exactement. On le fait tri, ça. On va en parler, on fait c'est le tri. Vrai.